radio arc-en-ciel, ses frissons et ritournelles. Rendez-vous samedi tantôt pour des valses et des tangos. Dimanche matin, on se réveille en écoutant arc-en-ciel. On fredonne pendant des heures des chansons et c'est le bonheur. J'écoute radio arc-en-ciel, la voix joyeuse de Michel. Et qu'on l'entend, c'est le soleil, la vie alors est plus belle. J'écoute radio arc-en-ciel, et cela toutes les semaines. Venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. L'accordéon est en fête, chez moi résonne le musette. Je sais que toute la journée, comme un pinson, je vais chanter. Même si on a des tracas pendant tous ces moments-là, le rire et la bonne humeur réchaufferont nos petits cœurs. J'écoute radio arc-en-ciel, la voix joyeuse de Michel. Et qu'on l'entend, c'est le soleil, la vie alors est plus belle. J'écoute radio arc-en-ciel, et cela toutes les semaines. Venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. Arc-en-ciel, 16h passées de 4 minutes. C'est le petit bal du samedi soir, comme chaque samedi jusqu'à 18h. Michel à votre compagnie pendant 2h avec cette bonne chaleur que nous avons. Bonne écoute du 96.2. J'écoute radio arc-en-ciel, et cela toutes les semaines. Venez rejoindre les fidèles, et vous oublierez toutes vos peines. Alors je me fais l'interprète de tous les animateurs, animatrices, de la direction, du conseil d'administration, etc. J'en passe, et les meilleurs. Pour souhaiter bon vent à notre amie Sabrina, qui va vers d'autres cieux, j'espère qu'elle réussira. Alors, puisqu'elle était gentille avec nous, et avec moi spécialement, oh là, faut pas que j'en dise trop, parce que j'aurai des échos. On va tout de suite lui dire merci, et en direct. Thank you. prochaine. Merci à vous, merci beaucoup. À notre prochain rendez-vous. Merci à vous, merci beaucoup. C'est fini et à la prochaine. Merci à vous, merci beaucoup. À notre prochain rendez-vous. Et on continue en musique sur Radio Arc-en-Ciel. Les animateurs changent, partent, arrivent. C'est la vie de la radio, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie de partout. Marc Aurin nous interprète Paquita. Elle fut ovationnée par les bravos. Paquita, fille d'Espagne, les cheveux longs volant au vent sont un mirage. Paquita, la joie me gagne quand ton regard pose sur moi comme un orage. Paquita, tu es si belle, viens près de moi et surtout ne sois pas rebelle. Paquita, tu es étincelle. Et je veux t'aimer. Paquita, tu es si belle. Viens près de moi et surtout ne sois pas rebelle. Paquita, tu es étincelle. Tu m'en sorcelles. Et je veux t'aimer. C'était toujours Marc Aurine et c'était Stella. Clin d'œil Musette, pardon, pas Stella Musette. Clin d'œil Musette, une composition de Jossoni. Eh bien, on va continuer par une valse, Stella Marina, interprétée par Paul-François Segaldi. Eh oui, c'est, on parle de la Corsica. C'est demandé de la part de Simone pour tous les samedis, il était dansant, les accordéonistes, etc., etc. J'en passe et des meilleurs, n'est-ce pas? Pour Mamie Geneviève et pour l'animateur, merci Simone et bon après-midi à vous. Et puis, à fort bientôt, j'espère. Voici donc Jean-Paul-François Segaldi. Changer d'accordéoniste avec Albert Huard et ce sera les Carabiniers de Castille. Thank you. Et on continue avec Paul-François Segaldi. Paul-François Segaldi nous interprète. Bon baiser le Porto. Par le frère Pégurus. Thank you. l'impression qu'il y a un mélange de musique quelque part. C'est pas très heureux. La FM en couleur. Et on continue sur la FM en couleur avec l'accordéon. Et ce sera cette fois-ci Émile Vacher, Glorieuse Polka. Ce soir à Nevoix, près de Gien, dîner champêtre à partir de 19h avec l'orchestre de Guillaume Gentil, que j'ai reçu dernièrement. Demain dimanche à Saint-Père-sur-Loire, ce sera l'orchestre de Michael Pija, donc demain à partir de 14h30 à la guinguette de Sully. Saint-Père, c'est pareil, hein. C'est l'autre côté du pont. L'accordéon avec Monty et son musette, là où il y a des frites, il y a forcément de l'accordéon. Quand bébé veut sortir sa Margot, il va pas dans les chics à boulot. Où qu'on se met tout autour du garrot, une serviette. Il aime pas les couverts de métal, les beaux verres taillés dans du cristal. Il vous dit comme un roi, je bouffe avec mes doigts bien pressés à la graisse de chevaux de bois. Où ça? Là où il y a des fruits. d'un orchestre qui fait des pom-pom. On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Tatar gueulant leur mettant tant et tant dans nos allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où y a des fourmis. Y connaît un petit coin près de Saint-Cloud où le patron vous pèse près d'un égout. Une friture de goujon pour 100 sous qui fait faire. Dans le parfum d'une usine à trottin, on y sert de la moule et du gros pain. Bébert vous le dira, parce que c'est chouette tout ça, bien servi sur un beau papier gras. Ben là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom. On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Tata, gueulant l'or, ma tante et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, y a des frites pom-pom. Dire qu'il y en a qui ont des maux d'estomac, qui peuvent pas boire ceci, manger ça. Quand ils ont servi dessus un plat, des bonnes choses, ils font rire tous ces pleins du gousset. Le monde bébé qui s'en met plein le cornet, disant, ben les amis, mieux qu'une cure à Vichy, allez donc pour avoir de l'appétit. Tout ça, ben là où y a des fruiteurs, au rythme d'un orchestre qui fait des pop-pop. Eh bien, à suivre, va boire un petit coup de ce temps-là, ça fait pas de mal, avec les frères Medlinger. Maintenant avec Luc Harvey. Ce soir, à partir de 19h, à Nevoix, près de Vienne, dîner champêtre avec Guillaume Gentil. Demain dimanche, à Saint-Père-sur-Loire, à la Guinguette, ce sera le tour de Michael Pisa à partir de 14h30. continue avec une dédicace de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci. On écoute Jean-Michel Sonnera au Royaume du Musette. Continue bien sûr, il est 16h49 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel avec Marc Aurine qui nous interprète. Marc Aurine nous interprète Coquin Câlin, un tango de Jocelyne et Marc Aurine. Que voici et que voilà. Yeah. rencontré un jour de vacances en été. J'ai senti ton regard m'observer. C'était jour de fête, je t'ai demandé de danser. Diras-tu oui pour être enlacé? Et dans ce tango, chanté en duo, nous avons joué à Coquincala. Nous étions heureux, toi et moi fougueux. Pour nous se sont envolés les chagrins. Tous les jours se suivent et nous font presser le pas, chantant comme les poètes d'autrefois. D'Occitan et de chez nous, sur ces vieux airs en lasse-moi. Le cercle d'amis danse dans la joie. Coquin messicana, toi mon amour, l'étoile du destin brillera toujours. Coquin messicana, pour toi chérie, en chantant ce refrain, cette mélodie. Oui, je sais que nous resterons toujours ensemble, que jamais nous ne penserons à nous quitter. Qu'aucun messicana, c'est notre destin. Maintenant la main, nous suivons ce chemin. Coquin messicana, c'est notre destin. Maintenant la main, nous suivons ce chemin. Jean-Michel Sonnera. Ça s'intitule Courtoisie Mugette. Je signale aux sportifs que les émissions de sport sont suspendues jusqu'à septembre. Petit vin blanc, bien, bien frais, Gendre et Jacques. Éternel, l'étoile, les troubadours, interprété pour une fois, parce qu'on l'a fait jouer par plusieurs. Notre ami Roger Six, qui malheureusement nous a quitté récemment. C'est Tivé Corner. vient faire un tour à la guinguette, Michel Pruvot. 17h passé de 4 minutes. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Maintenant, Miss Musette, interprétée par Dorothy Loire. Et ben voilà. Je ne vais pas démarrer tout seul. Thank you. Adios muchachos, et c'est Jean-Michel Sonnera. Continue bien sûr en accordéon, il fallait s'y attendre, c'est Dorothée Loire, excès de vitesse. Et on écoute maintenant « Moi j'aime le Portugal » de composition de Dominique Dutarte, Dominique Allan, ou Thierry, et Thierry Monico, pardon. Classique de l'accordéon maintenant en coplas, interprété par Jean-Michel Sonnera. Rendez-vous, pardon, rendez-vous espagnol avec Dorothée Loire. Rendez-vous espagnol. Et on va continuer à l'accordéon jusqu'à 18h. Il nous reste une bonne demi-heure. On va écouter maintenant Stéphanie et Dominique Floquet. Mon corps s'amuse. Mon corps, c'est O-R. Eh bien, après l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquier, on va passer à Jean-Claude Mosoleo. Je vous laisse quelques minutes dans sa compagnie. Oui, alors si le disque voulait démarrer, ce serait magnifique. Alors, que se passe-t-il là? Les parties ont été... Ah ben, elle est partie en vacances, je suis bête. Eh oui. Les vacances depuis hier. Bon, ben, il veut rien. Ah, pardon, j'ai parlé trop vite. Arc-en-ciel, 17h, passé de 35 minutes. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Écoutez de l'accordéon sur Arc-en-Ciel tous les samedis et tous les dimanches. Rendez-vous d'ailleurs demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions, jusqu'à 15h. Eh bien, maintenant, on va faire un petit tour de France, sous le ciel de notre France, avec Mick Bréhin et Corinne Chrétien et Jean Brun. J'aimerais que tu reviennes, c'était interprété par Chantal Soulu, actuellement Mon Aveyron, André et Thierry Rock. À ce sujet, je vais passer demain le dernier album de Thierry, de André Rock, qui vient de sortir. J'ai admiré les merveilles du monde, mais de la vie vagabonde, assez. Il est un coin où mon cœur me rappelle, beau comme une aquarelle, jardin. Un coin de France où l'on aime, où l'on danse, y vivre, c'est, je le pense, une chance. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre, ses grands espaces, ses cours d'eau, ses lumières. Comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez nous enchante. De Millau à Rodez, les belles Aveyronnaises, et surtout celle qui attend mon retour, celle que j'aime un peu plus chaque jour. J'irai revoir les sites de Belcastel, chemin de Compostelle, l'histoire me parlera des cités du passé, de ces peureux templiers d'alors. Oh, le Vésou, mon pays des Bolacs, voir la porte de l'Aubrac, si doux. Je rêverai du trésor de Sainte-Foy, majesté de la foi dorée. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre, ses grands espaces, ses cours d'eau, ses lumières. Comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez nous enchante. Ses grands espaces, ses cours d'eau, ses lumières. Comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez aux enchants. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre, de Millau à Rodez, les belles Aveyronnaises. Et surtout celle qui attend mon retour, celle que j'aime un peu plus chaque jour. Si tu vas à Millau, s'il lui plaît. Si tu vas à Millau, tu verras le viaduc là-haut, au-dessus de notre vallée, tu verras les voitures voler. Si tu vas à Millau, tu verras l'Aveyron d'en haut. Ce rêve à la grande échelle, ce défi à la tour Eiffel. Si tu vas à Millau, tu verras le viaduc là-haut. Tu verras les voitures filer dans les nuits du ciel étoilé. Si tu vas à Millau, viens voir comme l'Aveyron c'est beau. Viens voir le pont des temps nouveaux, tu voudras le prendre en photo. Si tu vas à Millau, tu verras le viaduc là-haut, au-dessus de notre vallée, tu verras les voitures voler. Si tu vas à Millau, tu verras qu'un viaduc c'est beau. découvrir à l'horizon la splendeur de notre Aveyron. Tu verras le viaduc là-haut, au-dessus de notre vallée. Tu verras les voitures voler. Si tu vas à Millau, tu verras qu'un viaduc c'est beau, pour découvrir à l'horizon la splendeur de notre Aveyron. Printemps à Colmar, Claude Jeannet, Corinne Bidou. Calva avec Emilio Corfa. À 18h, je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal. On se donne rendez-vous demain à 12h30, 15h pour l'accordéon de nos régions. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci de votre très grande fidélité. Au fond de mon verre, je dis bon calva, tu veux me goûter ça. J'ai dit bon calva, c'est pas de la petite bière. Traîne donc avec moi, tu t'en souviendras. J'ai dit bon calva, au fond de mon verre, je dis bon calva, tu veux me goûter ça. J'ai dit bon calva, c'est pas de la petite bière. T'as donc avec moi, tu t'en souviendras. J'ai dit bon calva, au fond de mon verre. J'ai dit bon calva, tu veux me goûter ça. J'ai dit bon calva, c'est pas de la petite bière. T'as donc avec moi, tu t'en souviendras. Thank you. bon calva au fond de mon verre. J'ai du bon calva, tu veux goûter ça. J'ai du bon calva, c'est pas de la petite bière. T'as coupé avec moi, tu t'en souviendras. De mon verre, j'ai du bon calva, tu veux goûter ça. J'ai du bon calva, c'est pas de la petite pierre. T'as donc avec moi, tu t'en souviendras. Style Prud'homme avec Pascal Michaud, et c'est de Pascal Michaud et Lucien Thomas. Mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt.